Le souffle magique de la fleur blouse. Installe-toi confortablement, comme dans un petit cocon tout doux. Bouge un peu si tu en as besoin et trouve la place où ton corps se sent bien, comme un petit chat qui souhaite se reposer. Maintenant, ferme les yeux doucement. Si tu le souhaites, prends une grande inspiration par le nez et souffle lentement par la bouche, comme si tu voulais faire s'envoler un petit nuage léger. Reprends une respiration naturelle. À présent, tu peux fermer doucement tes yeux. Devant toi, la fleur magique apparaît, la fleur blouse. Elle est extraordinaire. Regarde-la avec ton imagination. Certains pétales brillent comme des rubis et d'autres scintillent comme des étoiles. Observe ces pétales. Leur couleur, le centre de la fleur, leur forme. Peut-être sens-tu cette fleur magique. Cette fleur a également un pétale rose, puis un pétale bleu, et à nouveau un pétale rose et un pétale bleu, comme cela. Tout autour de la fleur. À présent, choisis un pétale rose et inspire doucement son parfum. Puis regarde le pétale bleu et souffle doucement dessus, comme si tu voulais les faire danser dans le vent. La fleur respire avec toi. À chaque fois que tu prends de l'air et à chaque fois que tu souffles, nous allons le faire ensemble. Et tu continues à ton rythme si tu en as besoin. À chaque respiration, la fleur brille un peu plus. Quand tu le sens, ce sera le moment d'arrêter. À ce moment-là, tu reprends une respiration naturelle. Puis tu commences à entendre peut-être les petits bruits qui sont autour de toi. Peut-être la respiration de maman ou de papa, ou de la personne qui t'accompagne. Tu commences à réveiller ton corps, à faire bouger doucement tes mains, tes pieds, tes jambes, et tu t'étires comme un petit chat qui se réveille au soleil. Et quand tu es prêt ou prête, et seulement quand tu es prêt ou prête, tu ouvres à ton rythme tes yeux.